Exercice 5, page 152. A. Je dors chez Shadi. B. Je vis chez Chantal. C. Je reste chez Charlotte. D. Je dîne chez Jules. E. Je vais chez Gilles. F. Je rentre chez Jean.